démarrer quand même. Alors, démarrer sur un constat, c'est évidemment l'union de radio et de télévision européenne, qu'on va appeler l'UER, et la construction européenne démarre à peu près au même moment, à l'aube des années 50, puisque officiellement on fait démarrer le premier journal télévisé en 1949. Alors je vais essayer de me poser trois questions. Les objectifs de l'Europe et de l'UER étaient-ils comparables? Deuxième question, sur quelles difficultés majeures cette UER va-t-elle achoper? Et troisième question, quelles solutions au fil des années, entre 1950 et 1990, les dirigeants de l'UER dans différents pays vont-ils trouver pour réussir à survivre? Que vont-ils réussir à venir à bien jusqu'en 1990? Pourquoi s'arrêter en 1990? D'abord, mais aussi et surtout parce que 1990, c'est la réunion de l'UER, donc qui représente les radiotélévisions d'Europe de l'Ouest et de l'OIRT, dont je vais vous en parler, donc, qui est l'organisme représentant les télévisions transnationales d'Europe dite de l'Est, et qui en fait a annexé les pays alliés de l'URSS. On peut mettre le mien, hein, si tu veux. On va pouvoir, mais il faut changer d'ordre. Alors, je continue. Alors, voilà, donc d'abord, ma première question. Est-ce que les objectifs sont les mêmes entre l'UER et Robert Schuman et Alain Tour? Alors finalement, on se rend compte que non, puisque d'un côté, il s'agit de rassembler le plus de pays européens possible, et que de l'autre côté, il va s'agir de faire sécession. Non, je m'explique. Depuis 1946, existait installée à Bruxelles une association transnationale de radiodiffusion. On l'appelait l'UER. Organisation internationale de radiodiffusion. Cette OIR rassemblait à la fois des pays d'Europe occidentale et des pays d'Europe orientale. Et elle accueillait aussi quatre pays extra-européens, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban. Mais 1950, début vraiment entré dans la guerre froide, climat de méfiance, puis climat de défiance qui va s'installer au sein des personnels du centre technique de cette OIR, et 11 membres, 11 États membres, tous occidentaux, à l'exception de la Yougoslavie et de la Finlande, mais la Finlande va très très vite revenir dans le giron de l'Ouest. Tous ces pays, donc les 11 membres, vont décider de faire sécession pour former une nouvelle union, l'Union européenne de radio-télévision, UER. Cette UER va rester à Bruxelles quelques mois, en 1950, et dès 1951, elle va partir pour Genève, s'installe à Genève. Inversement, donc, l'association transnationale restante, l'OIR, qui ne rassemble pratiquement plus que des pays satellites de l'URSS, à l'exception donc, de la Finlande, qui, comme je viens de l'expliquer, va partir, est transférée de Bruxelles vers Prague, où elle va s'installer définitivement. Et elle va se rebaptiser OIRT, Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télédiffusion. Alors cette OIRT, évidemment très vite, elle n'a plus une vocation uniquement européenne, mais mondiale, puisqu'il s'agit de regrouper tous les pays alliés de l'OSCE. Européenne de radio télédiffusion, évidemment, là c'est le même de celui de la future CE. Il va s'agir de forger dans un premier temps, de renforcer une identité européenne commune. Et cette UER, qui est finalement une association transnationale à but non lucratif, va essentiellement œuvrer dans deux directions. La première, qui n'est pas hyper ambitieuse, ce sont des échanges de programmes entre les États membres. Et la seconde, plus ambitieuse, c'est d'essayer de créer des émissions communes à plusieurs pays qui seront si possible diffusées en même temps et si possible aussi fabriquées en direct pour que les Européens entendent ou voient en même temps un même événement ou un même spectacle et qu'ils aient l'impression de former, au-delà de leur différence, une véritable communauté. Alors, il va y avoir un premier temps pour essayer de créer ce sentiment de communauté par la radio et la télévision, et surtout par la télévision qui devient plus importante en termes européens que la radio qui va avoir surtout des échanges de programmes, mais la télévision, on va voir que c'est plus compliqué. Donc, dans un premier temps, on va multiplier les émissions, les sujets de JT, même les interprogrammes, pour montrer les efforts fournis par les techniciens de chaque pays membre pour réunir par la voie des ondes l'ensemble des téléspectateurs pour faire exister ce qui va s'appeler à partir de 1954 l'Eurovision. Et alors, pour impliquer ces publics qui deviennent bien sûr en télévision de plus en plus vaste, eh bien, on va leur expliquer continuellement le dispositif, on va leur montrer, les journalistes ou les speakers vont leur détailler carte à l'appui ou graphique à l'appui les procédés qui ont été inventés pour convertir les lignes, pour faire voyager le son à peu près sur une centaine, sur 100 000 km de réseau, pour faire ce qu'on appelle à l'époque accrocher ensemble les différentes télévisions dans le cadre de l'Eurovision. Ils vont détailler également la façon de réaliser, je vais vous montrer un exemple des duplex, puis ultérieurement des multiplex, qui permettent d'abolir les distances, hein, de faire discuter ensemble les invités qui se trouvent dans des lieux, sur des studios, dans des studios différents. Yeah. Alors évidemment, on voit que ce sont des émissions qui ne sont quand même pas hyper divertissantes. Ça fonctionne pourquoi? Ça fonctionne parce que dans la plupart des pays, on a encore une chaîne nationale. Il n'y a pas encore beaucoup de concurrence. Mais simplement, on se rend compte aussi finalement que ce qui plaît beaucoup, ça va être des rediffusions en direct et que là, on va pouvoir commencer à le faire. Donc l'occasion est donnée de grands événements mondains. L'occasion va être donnée le 2 juin 53 avec le sacre de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui va être retransmise en simultané dans 5 pays. Et là, évidemment, ça fait la preuve que non seulement ça fonctionne, parfois avec quelques pannes, mais ça fonctionne, mais surtout que les téléspectateurs peuvent réellement former une communauté qui voit mieux que les invités dans la cathédrale. Bon, l'emplacement subtil des caméras, des micros, par les jeux de gros plans, les jeux de mélange d'images en régie, eh bien des millions de téléspectateurs vont découvrir ce que d'ordinaire ne voit pas dans une église, la statuaire, les détails des vitraux, ou alors ce que voit uniquement le prêtre ou le pasteur qui est en train de sacrer une future reine ou plus tard de marier deux fiancés. Alors, on va recommencer assez vite puisque ça a beaucoup plu, ça a été énormément regardé. Et à la suite d'Elisabeth II, eh bien, ce sont les mariages du prince René II avec Grace Kelly, ça c'est en 56, puis en 60, Baudouin avec Fabiola. Alors l'Eurovision, qui a d'ailleurs pour générique le Téléum de Marc-Antoine Charpentier, va aussi retransmettre, et ça jusqu'à la fin des années 70, donc à un moment où il y a des chaînes qui sont mises en concurrence, de nombreuses autres cérémonies religieuses. On va avoir par exemple l'intronisation de l'archevêque de Canterbury en 61, on va avoir le concile Vatican II, on va avoir chaque année des bénédictions pascales et des messes de minuit dans des lieux un peu prestigieux, la basilique de Vézelay, etc. Ce qui veut dire que l'objectif est aussi de démontrer aux téléspectateurs européens qu'ils forment non seulement une communauté de citoyens, mais une communauté de fidèles, de chrétiens qui partagent la même histoire. Mais alors, bien sûr, ce genre d'événement mondain qui plaît beaucoup, on voit bien tout de même le problème du dispositif, c'est le problème linguistique qu'on a déjà traversé avec l'affaire des trois paysans européens, où on a évidemment un paysan qui fait l'effort de parler français, un autre qui doit être sous-titré, c'est évidemment la difficulté majeure. Ce qui veut dire qu'on reçoit bien en direct, en simultané, tout le monde au même moment est en train de regarder le gouvernement de la reine d'Angleterre, mais qu'en réalité, une voix off d'un présentateur dans chaque pays accommode à sa convenance et comme il croit que c'est le mieux pour les citoyens de son pays, le discours. Donc évidemment, en termes de réception, d'appréhension, tout ça, chacun reçoit une émission ou un film sensiblement différent. Alors c'est tout bénéfice pour l'Europe. Ce genre d'émission mondaine, pourquoi? Si on prend l'exemple de René II et de l'actrice américaine Grace Kelly, on s'aperçoit que ça a permis de faire travailler ensemble différents médias. On a pris à la radio de Monte Carlo ses ingénieurs, on a pris à Radio Industrie des preneurs de son. On a demandé aux Américains d'aider avec des images de cinéma qui sont rediffusées chez eux. On a pris aussi les actualités françaises qui sont des actualités films qui vont durer en France jusqu'en 69. Donc c'est vraiment à la fois permettre de travailler de façon transnationale, mais également entre médias différents. L'autre objectif de l'UER, c'est évidemment de montrer que l'Europe représente une ère culturelle homogène, qu'il n'y a pas de frontières géographiques, que les hommes, les biens, les idées, les techniques circulent librement. Donc après avoir eu cette première période où on a montré aux spectateurs les câbles qui passent sous la Manche, qui cheminent de l'île à Bruxelles pour pouvoir raccorder les télévisions, et bien dans un deuxième temps, on va dire les années 65, les années 75, on va avoir des séries de grandes émissions qui vont essayer de montrer que l'Europe s'est fabriquée avec les apports des uns et des autres. ou alors que ça circule évidemment le grand en circulation libre, c'est par exemple la série des fleuves d'Europe, série sur les montagnes, les Alpes, les Pyrénées, hein, tout ce qui fait circulation. Et puis c'est également montrer qu'au niveau des idées, il n'y aurait pas eu Molière sans la Comédie dell'Arte, que Louis XIV, le grand siècle, se comprend également avec l'influence italienne des sculptures de Bernin et des musiques de Lully, etc. Ce qui veut dire qu'il s'agit de montrer non seulement les ressemblances entre les différents citoyens et pays d'Europe, mais il s'agit aussi de montrer les complémentarités qui, dans l'Union, peuvent rendre plus fort, plus prospère. Et je vais vous montrer un second extrait de cette compréhension mutuelle qu'on essaie de fabriquer entre les peuples d'Europe. Alors c'est une émission qui est très précoce puisque c'est décembre 54. C'est donc l'une des toutes premières Eurovisions, c'est un tel joyeux de rêve. Qui en réalité masque bien sûr des difficultés. divergences politiques et culturelles. En 50, plusieurs des pays européens étaient déjà équipés pour recevoir la télévision et on va leur demander de changer, d'adopter un standard unique qui est 729 000 pour simplifier les choses. Alors ils refusent, le Royaume-Uni veut rester en 405 000, la RFA et l'Italie veulent maintenir aussi leur standard qui était de 625 000, la France et le Vatican disent tenir à la haute définition de leurs images qui est en 819 000. Alors, ça prouve quoi? Ça prouve qu'à la fois chacun veut maintenir le leadership, mais également qu'il n'accorde pas la même importance à l'image télévisuelle. Que pour certains, la télévision avec son tout petit écran, ça va être essentiellement une boîte à bruit avec une borne audio, on va l'écouter puisqu'on va la regarder, et ça n'est pas le cas pour d'autres. Alors ça pose ce problème de standard, de non-homogénéité, de gros soucis, des vagues nombreuses. Par exemple, on parlait tout à l'heure du sacre d'Elisabeth II. Bien, pendant ce sac, il y a une panne, c'est très difficile de renvoyer les bonnes lignes dans chacun des cinq pays, et ça continuera sur à peu près toutes les émissions de l'Eurovision, parfois une minute complète, hein, on a juste un panneau d'excuses pour le téléspectateur, parfois aussi on va avoir 2 minutes ou 3 minutes d'interlude, donc pour le téléspectateur c'est un peu terrible, puisqu'évidemment il était projeté dans un autre pays, dans un autre événement, et le voilà brutalement revenu dans son salon, à voir ce petit train de la mémoire ou un autre interlude qui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on était en train de lui présenter. Alors l'autre difficulté, c'est que ces réalisations transnationales, pour toutes ces raisons de différences culturelles notamment, politiques, vont s'avérer assez impossibles. L'UR, première chose, c'était les échanges de programmes. Ça fonctionne, avec quelques difficultés que je vais revenir, mais ça fonctionne. Ce qui fonctionne beaucoup moins bien, c'est l'idée première de réussir à créer une véritable télévision transnationale avec vraiment des programmes où les équipes techniques comme les équipes artistiques étaient ensemble, travaillaient de concert. Alors, on va leur proposer aux spectateurs européens un premier programme, une série, enfin, c'est entre le feuilleton et la série, ça s'appelle Juliette Détective Privé. Ça commence en septembre 1958. Et chaque semaine, les téléspectateurs de 6 pays, expérience porte uniquement sur 6 pays européens, qui ont mis en commun un moyen technique, vont pouvoir suivre les aventures de ce détective le dimanche en fin d'après-midi, c'est-à-dire que d'emblée c'est ambitieux, hein, on vise la famille entière, et on pense que ça va fonctionner parce que le spectateur est friand d'enquêtes policières, ce qui permet évidemment d'enquêter, résoudre une énigme à chaque fois dans une ville différente et dans une ville européenne différente. Et ça s'arrête à la fin du cinquième épisode, tout simplement parce qu'on voulait que tous regardent le même spectacle au même moment, donc en direct, mais les techniciens ne travaillent pas de la même manière, certains vont lambiner par rapport à d'autres, et aucun n'arrive à rendre l'antenne à leur prévu. Alors on va se lancer dans la confection d'un autre type de feuilleton transnational, qu'on va vouloir centrer sur l'histoire commune des Européens. On va bâtir une histoire, c'est François Villoux qui va l'écrire, l'histoire d'un vieil homme qui a accueilli un bébé, qui a recueilli un bébé durant la Seconde Guerre mondiale, donc la mère va rester en camp, et qui va rechercher la mère ou les parents dans toute l'Europe avec cette petite fille qui évidemment grandit, et qui va traverser 17 lieux qui vont représenter à peu près la totalité de l'Europe. Alors là aussi, ça ne fonctionne pas, ce sera la seule réalisation, 1967, ça s'appelle Beachy Boy. Ça ne fonctionne pas pour beaucoup de raisons, mais les principales sont les conceptions différentes du film, du montage, du cadrage, du jeu des acteurs, et donc la preuve est faite qu'il n'y a pas de langage universel et que chacun prend l'image différemment en fonction de ses habitudes d'écoute. Alors à cela s'ajoutent encore des difficultés économiques. Les échanges de programmes en radio comme en télévision fonctionnent assez bien, mais tout de même avec une difficulté, c'est que les radios et les télévisions rejoignent graduellement cette UER, cette Union transnationale, et que de fait ils n'ont pas tous les mêmes capacités financières, surtout en télévision. redevance uniquement, et redevance qui peut être très différente selon qu'on a déjà beaucoup de récepteurs ou pas. D'autres, comme le même Marc, bénéficient de fonds publics fixes, quel que soit le nombre de spectateurs. D'autres encore n'ont pratiquement que des recettes commerciales et du mécénat. Donc tout le monde ne peut pas investir les mêmes sommes, ni retransmettre les mêmes programmes européens, puisque si c'est une bourse d'échange gratuite, par contre, il y a des droits de diffusion, parfois des droits même exorbitants, de la part droits producteurs et droits d'auteur. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin des années 60, seul le Royaume-Uni, la RFA, l'Italie et la France couvrent plus de 90% du financement nécessaire pour la réalisation de cette bourse d'échange. Il n'y a évidemment pas non plus le même nombre de récepteurs d'un pays à l'autre, ce qui veut dire que per capita, tout le monde ne paye pas la même chose, puisque la transmission, par exemple, du sacre d'Elisabeth II, qui est en 1953, où il y a très peu de postes de télévision encore en France, 24 000 récepteurs, c'est acheté évidemment très cher. Difficulté politique aussi, c'est que dès sa création, l'UR va buter sur des politiques nationales qui sont complètement différentes. Bon, quand on regarde la situation aujourd'hui encore en Hongrie, la télévision est une télévision d'État, un instrument du pouvoir en place. C'était le cas en France jusqu'à la fin de l'année 1974, puisqu'il s'agissait d'un office de radio-télévision, directement sous le contrôle du ministère de l'Information. Et à l'inverse, dès sa naissance, en 1954, en Italie, la RAI, qui est également un monopole d'État, mais est totalement libre du choix de ses programmes. La seule chose qu'on demande à ses dirigeants, c'est de refléter au mieux les sensibilités des différents partis politiques. Et dès le départ aussi, cette RAI va être autorisée, contrairement à la France, à diffuser 10 minutes de publicité par jour, puis ensuite ça va aller en s'agrandissant au niveau des minutes, alors que la France n'aura cette possibilité qu'à partir de 1968, ce qui veut dire qu'elle va avoir bien évidemment de la publicité déguisée. Alors ces systèmes de fer sont évidemment très différents du système allemand, où là on va avoir d'emblée des télévisions qui correspondent au Länder, 9 puis ensuite 11, ou la télévision britannique qui d'emblée joue sur la concurrence, donc crée la BBC, mais parallèlement va autoriser 15 sociétés régionales commerciales qui sont totalement financées par la réclame, donc qui sont riches. Dernier grand obstacle, c'est l'obstacle linguistique, on a déjà un peu vu. Cet obstacle linguistique, il est évidemment bien plus prégnant que pour l'autre association transnationale qui est l'OIRT. L'OIRT, ça fonctionne tout seul puisque tout le monde communique en russe. Là, on communique dans 10 langues différentes, ce qui fait que très vite, les pays vont avoir une tendance au repli linguistique, et ça va commencer évidemment avec la Suisse et la Belgique, qui sont des pays de tri ou bilinguisme. D'emblée, la Belgique et la Suisse vont créer 2 et 3 télévisions différentes, chacune avec une langue différente, et chacune va avoir son relais. Par exemple, la Wallonie va évidemment se rapprocher de la RTF, la RTBF et la RTF vont nouer des partenariats, et en Suisse, eh bien, on va avoir 4 télévisions, la télévision suisse romande, la télévision revanche, télévision allemande et italienne. Et à chaque fois, on va tourner les électeurs et on va nouer des partenariats avec le pays voisin dont partage la langue. Ça veut dire que d'emblée, on va avoir une concurrence entre l'UER et ses échanges de pays de même langue. Vous devez connaître ce qu'on a appelé la francophonie, hein, qui était un grand nombre d'émissions. Alors, il va y avoir des magazines communs de même langue. Par exemple, Bruxelles va créer la communauté radiophonique des programmes de langue française, qui va relayer des émissions et des échanges de magazines français, belge et suisse. France va donner 5 colonnes à la une. La RTB va donner 9 millions et la télévision suisse romande continent sans visa. Les Français vont aussi nouer très vite un partenariat qui va devenir effectif en 1957 avec le Canada français, Ils vont fabriquer une maison de production qui s'appelle l'époque Télé France, que vous connaissez encore comme étant Télé France. Donc, l'objectif premier était de contrer les États-Unis, l'immensité des feuilletons américains qui déferlent sur les écrans européens. Alors, immensité de grands feuilletons américains, on a parlé de quelques-uns ce matin, la sorcière bien-aimée, etc. D'autres choses, il y a aussi des programmes pour enfants américains, anglais, donc les séries Ivanhoe, Ratata, etc. Donc là, l'idée est de fabriquer des produits sensiblement différents, plutôt des adaptations d'un classique de la littérature. La première réalisation 57, ce sera le Tour de la France par deux enfants qui est réactualisé. Et dernière petite chose, dernière conférence, c'est aussi Europe et Mondiovision. Mondiovision, pourquoi ? Parce que les Européens, très vite, vont construire un satellite européen en 1964, qui est le satellite Telestar 1. Ce satellite, c'est pour que l'Europe puisse envoyer des images dans le monde entier. Évidemment, si on peut envoyer des images dans le monde entier, eh bien, les téléspectateurs européens peuvent aussi recevoir des images du monde entier sur la grande télévision. Alors j'arrive à ma dernière partie. C'est qu'il y a quand même eu des réalisations, même s'il a fallu revoir à la baisse les ambitions du départ. Alors comment a-t-on fait avec ce problème linguistique ? On est allé à la recherche d'un langage universel. Donc pour contourner ces problèmes de langue, on a fabriqué de façon transnationale un grand nombre d'émissions évoquant la musique, la danse, le cirque et le sport. On a par exemple mis en commun des sportifs pour réaliser une série d'exploits. Le premier, c'était l'ascension de la Tour Eiffel par une cordée d'alpinistes européens en 1964. Il y a eu un grand nombre d'exploits comme ça pendant pratiquement 15 ou 16 ans. On va avoir aussi une série de plus grands théâtres du monde, puis les semaines européennes de la télévision, où on va enregistrer des ensembles de concerts, des récitals, des ballets. Autre manière de faire, des émissions muettes, qui sont uniquement sur laquelle on va juste ensuite mettre placer une bande son avec une voix off dans la langue du pays diffuseur. Ou alors, il faudrait aussi quelques symphonies urbaines complètement muettes, ou quelques symphonies uniquement interrompues à intervalles constants, segmentées la bande, par un présentateur qui informe le spectateur ou qui résume l'action. Plus on va aller vers les années 90, et notamment à partir du début des années 80, plus on va quand même penser que tout ça n'est pas très pratique, on va concevoir des programmes systématiquement en 5 versions, anglaise, espagnole, italienne, allemande et française. Pour survivre, on va aussi assouplir le dispositif de départ. L'idée était vraiment de former une communauté avec chaque spectateur qui regardait le même programme au même moment. On s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas. Donc on va faire autrement. Faire autrement, ça veut déjà dire cibler des tranches d'âge. Ne plus s'adresser à tous, mais s'adresser au même moment à une classe d'âge en particulier, évidemment pas surtout s'adresser à la jeunesse, avec l'idée que c'est eux qui fabriqueront l'Europe, avoir des grandes séries posées pour les jeunes, le bac européen, Europe partie, et puis chaque pays va donner de l'argent pour fabriquer, l'UR va donner de l'argent pour fabriquer des cours de langue. On va aussi fabriquer des émissions qui ciblent des publics particuliers, par exemple le magazine international agricole, où là, les paysans vont pouvoir découvrir des techniques qu'eux-mêmes n'ont pas expérimentées. Avec l'idée que justement, on va pouvoir, ça sert aussi à cela, à consolider et à permettre aux gens d'apprendre des savoirs et des techniques. Et puis finalement, à partir de 1980, et c'est encore plus vrai à partir de 82, eh bien, on va survivre uniquement avec des aides de l'État. Suite à la dérégulation des télévisions, on en a parlé ce matin, le paysage audiovisuel du début des années 80, c'est à la fois la libéralisation Jusqu'alors, c'est pas intervenu, avait laissé le secteur de la radio et de la télévision au Conseil de l'Europe et à l'UER, eh bien, ça va les amener à intervenir, et à intervenir même beaucoup. Pour lutter contre cette entrée des capitaux américains dans les sociétés européennes, pour contrer la concurrence des grands groupes états-uniens et japonais qui vendent leurs programmes à des prix bien inférieurs au prix des productions européennes, la communauté européenne va renforcer de façon drastique le cadre juridique européen et va notamment en 82 imposer ce que vous connaissez tous, qui est la notion d'exception culturelle. Ça va être renforcé par une directive en 89, Télévision sans frontières, et en 90, encore consolidé par un programme dit Média. Et ce programme Média donc, est en fait une injonction de Bruxelles qui impose aux chaînes de diffuser au moins 50% d'émissions d'origine européenne. Elle va à nouveau, ça forme une boucle, hein, comme au début des années 50, elle va encourager l'Union européenne à fabriquer des fictions transnationales, fictions de prestige, avec l'idée bah, que peut-être il faut fabriquer des fictions uniquement, des adaptations de classiques de la littérature que tout le monde aura lu. Alors, pour le prendre, par exemple, le Comte de Monte Cristo de José Dayan, parce que là, c'était 1992. Mais il va y avoir bien d'autres, 98 pardon, pour José Dayan, mais on commence en 92. Et parallèlement, donc, il va y avoir une forte demande de la communauté européenne pour que l'UER puisse se faire connaître, diffuse un maximum dans des pays tiers, et notamment donc, prenne en charge financièrement enfin, les équipements de ces pays. Alors finalement, eh bien, on va aussi parler d'exception culturelle, mais à ce jour, la seule chaîne à vocation culturelle qui n'est pas soumise à l'audimat et qui est totalement assistée financièrement par l'UER, c'est Arte. Mais Arte, qui a commencé à émettre en 1992 en France et en Allemagne, n'a pas réussi à devenir une chaîne vraiment en France nationale. Et non seulement elle n'émet que dans deux pays européens, mais le réseau n'est pas de la même importance dans les deux pays diffuseurs. Et puis, on s'aperçoit qu'à part trois grands groupes européens, on démole RTL Group et Zodiac Media, il n'y a aucun grand groupe européen ne réussit à contrer, ne réussit à rivaliser avec les grands groupes américains. Alors, que dire en conclusion ? C'est que cette UER, évidemment, a eu pas mal de soucis d'anglais, puisqu'elle a dû négocier avec des données politiques et historiques qui avaient produit des systèmes institutionnels médiatiques très différents d'un pays membre à l'autre. Elle a dû aussi, et c'est sans doute la principale difficulté, composer avec un territoire mouvant qui est passé entre 1950 et 1990 de 5 pays adhérents 50, Angleterre, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne de l'Ouest, à 60 pays en 90 lorsque l'OIRT fusionne avec l'UER. Donc elle a été prise dans un tourbillon et ce tourbillon fait qu'elle a imaginé simultanément ou successivement plusieurs manières de construire l'Europe par l'audiovisuel et que son défi depuis 1990 c'est de faire survivre une télévision transnationale fragile et que pour la faire survivre évidemment l'idée est de faire survivre hors du petit écran traditionnel, de réussir à diffuser au maximum sur la toile les tablettes, les téléphones portables, tout en gardant, si possible, la maîtrise des contenus, malgré la mondialisation et l'affaiblissement de plus en plus grand de la notion de service public. Programme dense, hein, j'imagine, vous êtes un petit peu fatigué, mais Donc, enfin, j'ai juste dit qu'effectivement, on essaie de trouver un langage universel entre la musique, la chanson, le ballet, le concert, et là, ce qui survit effectivement de la télévision transnationale et de l'Eurovision, c'est aujourd'hui le sport et la chanson. Alors moi j'avais une curiosité justement sur la question technique, donc comment on arrive à un standard européen. Est-ce qu'il y a, j'imagine, des agences techniques, donc c'est un petit peu au cœur quand même de la question. Et ensuite, comment ce standard justement s'articule à un standard américain pour les autres transatlantiques? Oui, alors, il y a une autre chose que je n'ai pas dit, c'est aussi la couleur. C'est-à-dire qu'on va choper non seulement sur le problème des lignes, mais sur le problème de la couleur. C'est-à-dire que la télévision européenne, à partir de 66-67, par exemple pour la France, la première semaine en couleur, ça va être octobre 1967, et uniquement sur la deuxième chaîne. Mais pour la couleur, on n'est pas plus d'accord que pour les lignes. Donc on ne trouvera aucun standard commun, ni pour les lignes, ni pour la couleur. La couleur, la plupart des pays veulent du pâle, mais la France, la Finlande et je crois qu'il y a deux autres pays, j'ai pas oublié, veulent du sécable. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi l'idée, alors déjà ils travaillent plus que d'autres avec l'OIRT, mais ils ont l'idée de se rapprocher de la Russie qui elle a apporté pour le sécable. Le problème c'est que les ingénieurs quelque part vont se tromper puisque le sécable russe et le sécable européen ne va pas être compatible non plus. Donc non, on ne va pas régler les choses, c'est-à-dire que quand on voit de l'Eurovision ou même des systèmes d'accrochage entre deux, par exemple, je connais mieux, c'est entre la RTBF et la RTF, par exemple la grande collection des années 50, En votre âme et conscience, elle est financée en grande partie par la RTBF, et de fait, il y a un décrochage et il y a une retransmission. Donc le décrochage ne se fait pas harmonieusement et surtout celui qui reçoit avec une espèce de drame, de neige sur son écran, enfin, ça n'est jamais complètement propre. Et quand des lignes inférieures arrivent sur les 819 lignes français, là on a aussi une image qui va voir tant que c'est pas très beau. Et mais ça va avoir sans doute une incidence sur ce petit écran. Où, enfin, c'est mon hypothèse en tout cas, autant l'image cinématographique va être une image très travaillée, autant la première génération de la télévision, quand on pense à des gens comme Alexandre Tarta ou Marcel Duval, on pense qu'on a trouvé un nouveau langage avec une immense qualité d'image, le noir et blanc extrêmement travaillé, les 819 lignes, moi, à un certain temps, il n'y croit plus. Et la consigne qui va être donnée, c'est « Faites swinguer Jean-Sébastien Bach ». Et cette consigne, c'est évident, c'est qu'on va appâter le chaland, puisque l'image est tout en panne, qu'on a plus pendant longtemps quand même un petit écran, et bien on va l'attirer par des sonorités remarquables, on va faire des plans très longs, et puis sur ces plans très longs, on va avoir des acteurs volubiles ou des présentateurs volubiles, et ça va être une boîte à bruit. Le reportage sur les paysans, ça me fait 1954. Donc, il y a des relations constantes entre les techniciens. Et donc, moi, je n'ai pas vu de critique des communistes. Je ne sais pas s'il existait des émissions, en tout cas, à ma connaissance, c'était diffusé en France. Préparation, préparation à la médiation. En remerciant le public aussi. Merci.